Si on met des mesures pour inciter les filles à aller dans des métiers non traditionnels, faut faire la même chose pour les garçons, pour les amener dans des métiers de service. C'est super important. Regarde, aussitôt qu'il y a un domaine où la femme est minoritaire, ils commencent à faire des programmes de discrimination. T'as ça dans les commissions scolaires. Partout, tu sais. Ils vont faire passer une femme en premier parce qu'elle est minoritaire. Mais quand l'homme est minoritaire, il y en a combien de programmes de discrimination dans les domaines où les hommes sont minoritaires? Mais en même temps, ça a été du lobby qui ont réussi à faire changer. C'est des lobbies qui ont réussi à faire changer, là. Un lobby, c'est quelqu'un qui, le problème, c'est quand le lobby est au pouvoir. Là, le lobby des femmes, c'est lui qui mène, c'est lui qui est au pouvoir, il domine, puis il n'y a aucun contrepoids. Qu'il y ait des gens qui prônent le droit... Mais pourquoi il n'y a pas de contrepoids? Parce que quand t'es un gars, parce qu'il faut fermer notre gueule, puis il faut s'écraser. Ah, je suis pas d'accord. Il y a plein de filles qui vont embarquer de votre côté. Tu sais-tu pourquoi? Parce que les filles, ils mettent au monde des garçons. Ils aimeraient ça, que ça aille bien pour eux autres. Parce que les statistiques que M. Royer vient de donner, là, ça leur fait mal, puis ils ont peur, puis ils sont inquiets. Moi, j'ai dénoncé, il y a quelques années, je vais te traiter de macho, ben, tous les noms, là. Chapeau les filles. Il y en a parlé un peu. Chapeau les filles, ça existe, ça, c'est des millions de dollars, là. Chaque fille qui s'inscrit dans un programme genre scientifique, maths, architecture, ingénierie, un bonus de l'argent. Moi, quand ça a sorti, chapeau les filles, j'ai fait, bravo, c'est correct. Si on veut inciter des filles à explorer des avenues auxquelles ils pensent peut-être pas, d'abord, il y en a peut-être qui veulent juste pas y aller là-dedans, mais si elles veulent y aller, puis le fait que c'est surtout des gars en architecture, un petit coup de pouce, OK, il y a rien de mal là-dedans. Mais quand est-ce qu'on fait chapeau les gars, là, pour les envoyer en enseignement primaire, pour avoir un peu plus de modèles masculins? Non, mais OK, une fois que j'ai dit ça, je suis pas le seul, ça a fait jaser un peu, là. Y a-tu un député, qui a dit, moi, pogner ça, moi. Bonne idée, Butch, je m'en vais à l'Assemblée nationale, on va dire, hey, chapeau les gars, on fait la même affaire. Non, s'il le fait, puis peut-être qu'il y en a eu un qui a pensé le faire, mais il s'est fait taper sur l'épaule. Hey, tu vas aller féministe contre toi? Ferme ta gueule. Ouais, mais c'est logique, y a chapeau les filles, chapeau les gars. Je te parle pas de logique. Je te parle d'un lobby puissant qui domine. Dès que tu réclames de quoi pour les gars, mais c'est ça. L'homme les tire à couverture de votre bord. Vous l'enlevez de sa affaire. C'est comme quand je parle de la violence conjugale. Il y en a. Évidemment, on dénonce. Les femmes sont victimes, mais aussi les hommes. Mais faut jamais parler des hommes victimes. Non, quand mais il y en a qui ont commencé à le dire. Un petit peu. Puis il faut qu'ils continuent. Mais ils sont marginalisés. Ils n'ont jamais accès aux grands médias. Puis ça demeure extrêmement, tu sais, c'est underground. La différence, Sylvain, là, c'est qu'ils sont pas organisés. Puis qu'à un moment donné, les femmes, ils ont dit, ben nous autres, on va s'organiser, puis on va devenir tellement, on va tellement nous entendre qu'on va réussir à faire changer les choses. Tu sais, je pense que il faut, puis il l'a dit, M. Royer, ça prend de plus en plus d'exemples d'hommes qui réussissent, des hommes qui vont être là puis qui vont s'impliquer puis qui vont montrer qu'ils sont capables de réussir dans la société et tout ça. C'est important que les hommes s'impliquent là-dedans. Moi, ça m'a fait fréquer, puis t'as bien fait de parler des mères de famille. Moi, je pense à eux autres, là, les mères. Absolument. Qui ont des garçons à matin qui sont allés reconduire à l'école. Monsieur Royer vient de vous donner les odds que dans la vie, il se trouve un diplôme. Vous avez entendu ça, là? Je veux pas répéter tous les chiffres, là. Vous avez pas mal plus de chances que votre garçon finisse, additionne tout ça quasiment drop-out, ou gelé aux médicaments, ou quelque part, qu'il sorte avec un diplôme universitaire.